Notre position concernant Hassan al-Banna. Question. Quel est votre avis concernant Hassan al-Banna? Cheikh Abdelrahman al-Shamri Abu Mariam répond. La croyance de Hassan al-Banna est la croyance des Ikhwan, les frères musulmans de cette époque, comme l'alliance avec les Tawarites et le jugement par autre que la loi d'Allah, légiférer des lois en dehors d'Allah. Il y a un livre qui s'intitule Al-Hasad al-Mur d'Al-Zawahiri, dans lequel il cite les paroles de Hassan al-Banna tirées de ses livres et de ceux des Ikhwan. Questionneur. Mais il ne l'excommunie pas. Le shir répond. Oui, il ne l'excommunie pas et il le considère même comme un martyr. Mais il rapporte ses paroles et considère qu'elles sont de la grande mécréance. Le but ici est de savoir que ce sont des paroles impies. Mais Al-Zawahiri l'excuse, car à la base, il donne l'excuse de l'ignorance aux associateurs qui s'affilient à l'islam. Le questionneur. Pourtant, Hassan al-Banna a combattu les Tawarites. Le shir répond. Combattre les Tawarites ne prouve pas qu'on est sur l'islam, car il était en conformité avec les Tawarites dans leur fondement. Mais il considérait qu'il fallait les combattre. Il permettait de rentrer dans les parlements, de légiférer et de juger avec les lois humaines.